J'ai mal à la main. Je me suis chopé un clou dans une main. Ça fait très mal. Ah bon, c'est pas grave. On pourra plus faire des tubes. Ah oui. Ah d'accord. J'aimerais bien un petit texte à le téléphone. Mais celle-là, je la connais pas. Celle-là, c'est marrant, cette chanson, je la connais pas bien. Attends, je cherche les paroles. Attends, je vais te mettre quelque chose, n'importe quoi. Il y a mon ordinateur qui rame prochainement. Attends, c'est bien. Ah, Ouais. Ça va pas ma batterie. Après, putain, pourquoi je retiens pas ça? Anna, si tu... Anna, tu sais... Anna, tu sais, c'est sauvage, rime avec âge et amour, avec toujours, ça rime à rien du tout. S'il vous plaît. Métro, c'est trop. Métro, c'est trop. Métro, c'est trop. Métro, c'est trop. Ouais, je suis en train de regarder l'album, c'est tout, je me rappelle.